Hello, chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Ce podcast, il est complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, on fait dans le concret. On continue à avoir les deux pieds dans la carrière et on parle vidéos mythiques, conseils, entraînement, enfin, vous avez l'habitude. Avec le podcast, par contre, on va prendre de la hauteur et on va s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres et j'espère que nous trouverons des clés ou en tout cas des axes de réflexion sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Et tout ça, bien sûr, c'est pour que nous aussi, nous puissions tirer des leçons pour être en parfaite harmonie avec notre cheval. Dans cet épisode, j'accueille Johanna Muello, leader de la marque Fuganza. Alors vous l'entendrez dans le podcast, Johanna est anglaise. Elle a conservé un accent que je trouve adorable et je fais appel à votre bienveillance pour lui pardonner les petites fautes d'accord ou de grammaire qu'elle peut faire. Ça, c'est l'English Touch. Pour la petite histoire, Johanna, c'est ma patronne. Je l'ai rencontrée lors d'un entretien d'embauche, car elle a participé à mon recrutement pour Decathlon. J'ai travaillé ensuite pour Fuganza jusqu'au 31 mai dernier, et je continue à travailler pour eux aujourd'hui, mais en tant que freelance. Et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir Fuganza dans le podcast, tout simplement parce que je trouve que rendre l'équitation accessible au plus grand nombre, c'est quand même un sens de marque qui donne envie de se lever tous les matins. Ce sens, moi, il me parle beaucoup, il m'a porté quand j'étais à Fuganza, et il continue à me porter aujourd'hui, puisque c'est aussi ce que j'essaye de faire à ma façon, avec le podcast ou le blog J'entraîne mon cheval. En toute honnêteté, j'avais vraiment envie de vous emmener encore plus loin dans les coulisses de Fuganza, mais hélas, et en même temps c'est logique, certaines choses doivent rester secrètes du grand public. Néanmoins, j'aimerais vous dire que l'année 2020 va être un sacré tournant pour Fuganza, alors j'espère que vous aimerez les produits qui vont arriver dans les mois à venir en magasin. Mais revenons à l'interview. Rendre l'équitation accessible au plus grand nombre, voilà un sens qui est très très fort. Alors comment une marque place-t-elle le lien cavalier-cheval dans le développement de ses produits? Eh bien je laisse Johanna vous faire découvrir les coulisses de Fuganza après un petit jingle. Alors du coup, bonjour Johanna. Merci de m'accueillir au sein de Decathlon, puisque je suis aux échanges Decathlon pour ce podcast. Donc c'est un grand honneur et un grand privilège de t'interroger. J'ai eu la chance de travailler pour toi et je travaille toujours pour toi. Et donc c'est avec un immense plaisir et une très très grande fierté que j'aimerais faire découvrir Fuganza à nos auditeurs. Bah, écoute, un grand merci à toi Angélique. Je suis ravie de pouvoir partager un moment avec toi et j'espère en tout cas que ce que je pourrais partager soit intéressant et en tout cas donne envie de découvrir un peu plus Fuganza et l'équipe derrière tous les produits que nous proposons. Écoute, j'en doute pas. J'aime bien commencer par une petite question insolite. Alors du coup, tu as parlé d'équipe, ça tombe bien. Mais je pense que tu pensais plutôt aux équipes d'humains. Alors moi, je vais te poser la question sur les chevaux. Est-ce qu'il y a des chevaux chez Fuganza? Combien sont-ils? À quel stade ils apparaissent? Est-ce que tu connais les noms? Tout ça. Oui, donc pour l'instant, nous n'avons pas de chevaux dans nos bureaux ou à côté de nos bureaux, même si c'est un projet qu'on aimerait bien mener un jour ou l'autre. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il serait impossible de concevoir nos produits sans nos amis des chevaux. Et donc aujourd'hui, on a des clubs partenaires avec lesquels on travaille. On a pas mal de chevaux. On a quelques favoris, en tout cas, qui nous rendent bien service. D'accord. Dont il y a OK, il y a... Grisette, Cupidon, Domino, Malin, qui se retrouvent dans les endroits divers et variés dans la région de Lilloise, mais aussi dans le sud. D'accord. On est très heureux, moi je suis très heureuse et nous sommes très heureux qui nous accompagnent au quotidien. C'est ce qui nous permet d'assurer que nos produits conviennent bien à chacun de nos des chevaux qu'on peut rencontrer. Ouais. une sorte des mannequins, entre guillemets, des mannequins, des carrément. Testeurs. Carrément. Donc, en fait, les chevaux nous servent à plusieurs niveaux, en fait. C'est qu'il y a tout un travail plutôt de forme de produits et de taillant, on appelle ça. Et donc, en fait, ils font vraiment le mannequin. On a même des chevaux qui sont dans notre taillant idéal, voilà, et d'autres qui le sont un peu moins. Et après, on a aussi des chevaux qui sont peut-être moins dans le taillant standard, mais qui nous permet de tester certains produits. Et après, évidemment, tous nos produits sont testés avant d'être commercialisés. Et donc, ils sont testés sur plusieurs chevaux avec le cavalier quand c'est approprié. Et pour nous, c'est vraiment une partie essentielle de notre fonctionnement. Oh, c'est génial. Et du coup, l'équipe, si je reviens un petit peu plus sur les humains, l'équipe Fuganza, une quarantaine de personnes, je pense. C'est ça. Et Fuganza, concrètement, ça veut dire quoi? Je pense que peu de gens le savent. Oui, donc Fuganza a été créé officiellement en 2005. En tout cas, nos premiers produits sont sortis à partir de 2005. Et en fait, le nom se compose en trois parties. En fait, donc la première partie, la fougue, donc la fougue du cheval, cette ferveur, cette fougue qu'on peut retrouver. On a une image qu'on associe souvent, c'est le cheval en liberté, en train de s'exprimer dans la nature. Après, on a le ANZ qui se réfère plutôt à l'élégance, puisque l'équitation est quand même un sport quand on interroge pas que des cavaliers, mais en tout cas où l'élégance a une place plutôt très importante. Mm-hmm. Je vois un côté très... posé, beau. Ouais, c'est. En tout cas, en fait, quand on résume la pratique sportive, en tout cas l'équitation, souvent, l'idée, c'est qu'on voit le moins possible l'action du cavalier, qu'on a cette notion de symbiose, de sans effort, même si on sait tous quand on est cavalier que c'est tout sauf sans effort. Et donc, c'est ce qui fait ce lien aussi avec la notion d'élégance, dans tous les cas. Et ensuite, le A. Qui était plutôt osé à l'époque, mais qui fait beaucoup de sens, c'est A pour féminité. D'accord. Donc, effectivement, d'une manière plutôt générale, on sait qu'il y a à peu près 70% de cavalières et 30% de cavaliers, d'où le parti pris à l'époque de plutôt pousser sur la femme. Tout D'accord. à fait. D'accord, ok. Eh bien, écoute, très intéressant. J'aime beaucoup la recherche du nom et vraiment allier la fougue et l'élégance. C'est très, très bien pensé pour une marque d'équitation. Ça fait maintenant 4 ans, du coup, que tu as pris le lead pour Fuganza, pour cette marque. Ce qui est différenciant pour ton rôle, c'est qu'en fait, toi, tu as été élu par tes collaborateurs. Et donc, je pense que c'est pas courant, en fait, au sein d'une marque, de pouvoir élire son leader. Donc, est-ce que c'est représentatif de Decathlon? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Comment ça t'est arrivé? En tout cas, me concernant, c'est une belle histoire. En fait, il y a 5 ans maintenant, Decathlon, notre façon de fonctionner, on a toujours mis l'homme au cœur de nos préoccupations. Et donc, on a plutôt une façon de accompagner et manager des collaborateurs et chacun, qu'on appelle ça le management responsabilisant. Et en fait, il y a 5 ans, avec le monde qui change, les choses qui vont vite, des questions qui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années, on a lancé en tout cas une volonté en fait de donner encore plus de responsabilité à chacun là où il agit. À partir de ce moment-là, on est rentré dans un mindset à l'époque où on parlait beaucoup d'entreprises libérées. Donc, c'est un sujet, il y a 5 ans, qui était très peu répandu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises. Je pense que c'est un sujet qu'on connaît un peu plus. Et en tout cas, moi, ma nomination a eu lieu au moment où on était vraiment en train d'expérimenter ce sujet-là. Et c'est parti tout simplement de l'idée de se dire qu'habituellement chez Decathlon, on avait plutôt l'habitude de nommer des personnes qu'on avait préparées plus ou moins pour le poste avec une gestion de carrière. Et l'idée, c'était de se dire, mais peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des envies, qui ont des passions, qui ont des projets. Et le fait de gérer que comme ça évite ou empêche en tout cas certaines personnes à se révéler. Et vu qu'on sait que l'importance, en fait, toute la valeur d'une entreprise, c'est les gens, on s'est dit comment on peut faire pour changer ça. Et on s'est dit, dans la phase de recrutement, c'est quand même chouette si on demande à l'équipe leur avis. Et donc, là, on est allé très loin dans le processus parce que, en fait, c'est l'équipe qui a écrit le profil de leur futur leader. C'est l'équipe qui a décidé du processus. Donc, très rapidement, il avait une première phase de candidature, puis un shortlist qui était établi par l'équipe, puis une matinée d'entretien pour les trois candidats shortlistés avec toute l'équipe. Donc, elles étaient 45 personnes dans la salle, donc c'est assez impressionnant. Et puis, un choix final qui avait été... la personne avait été choisie par deux membres de l'équipe, puis le leader de tous les sports chez Fuganza à l'époque et en support l'équipe RH. Donc écoute, moi j'ai eu la chance. Au départ, je ne savais pas si j'allais postuler ou pas. Ça ne faisait pas si longtemps que j'étais chez Fuganza. En fait, c'est aussi une particularité. J'étais dans l'équipe à l'époque. Oui. Petite précision, tu étais chef de produit. J'étais chef de produit, tout à fait. Donc c'était un peu particulier de se dire, en fait, je vais me mettre devant mon équipe actuelle. Changement de posture, changement de rôle, je suis choisie, c'est super, et en même temps c'est assez impressionnant comme projet et défi à relever, et puis je suis pas choisie, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, le deuxième cas de figure j'ai pas eu à l'aborder, j'ai été choisie par l'équipe et je pense que ça restera très clairement un de mes meilleurs souvenirs des quatre années que j'ai passé jusque là chez Fuganza, et c'est surtout quelque chose que j'ai beaucoup ressenti au quotidien, dans le fonctionnement, un niveau de confiance, une envie de faire vivre tous ensemble et faire réussir notre projet. Et je ne sais pas si ça aurait été aussi fort s'il n'avait pas eu toute cette implication dans le processus et dans le choix. Donc, en tout cas, depuis, parce que ce n'était pas sans quelques points à régler, donc depuis maintenant, chez Decathlon, c'est plutôt quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Pas toujours de cette façon-là, mais en tout cas d'impliquer l'équipe. Et ça, je reste convaincue aujourd'hui que si on veut que chacun soit impliqué, prenne plaisir et s'épanouit dans son travail, en fait, il faut qu'on soit tous adultes entre nous et que chacun puisse s'exprimer, donner son avis. Parfois, on n'est pas d'accord et parfois, on ne le suit pas, mais en tout cas, on a l'opportunité de dire ce qu'on en pense. Donc, je suis en tout cas fervent défendeur de cette idée-là. Écoute, dans ces cas-là, je trouve que c'est incroyable d'être nominé par ton équipe, de pouvoir du coup rallier vraiment tout le monde en tant que leader. Mais comment on gère une marque après, une fois qu'on a été élu ? Impossible d'imposer ses décisions, on ne peut plus revenir en arrière. Donc comment tu as construit Fuganza et comment tu as écrit la vision de Fuganza au global ? Donc effectivement, ça fait partie des choses où à l'époque on se lance dans une aventure et on se rend compte que quand on a commencé à demander l'avis, on ne peut pas dire du jour au lendemain, on s'arrête et on ne demande plus votre avis. Et pourtant, ça m'allait très bien parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien consulter, travailler en équipe. Parfois, je tranche, il faut trancher, mais finalement, ça s'est peu arrivé. Et je pense que ça s'est peu arrivé parce que rapidement, on a décidé d'écrire un projet d'équipe, d'éclairer en fait nos stratégies pour les 5 années à venir, nos partis pris, nos renoncements. On a la chance chez Decathlon d'avoir des personnes en interne qu'on appelle les facilitateurs, qui sont plutôt très doués pour faire parler l'intelligence collective, révéler les talents et les idées de chacun, mais de façon organisée, parce que quand on est 40 personnes dans une salle, si c'est pas un peu structuré, ça peut être un peu l'anarchie. Et surtout chez Decathlon, je pense, où tout le monde a très envie de courir très vite dans tous les sens, à mon avis. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitalité. Ça fait partie des valeurs quand on recrute des personnes. Et donc, on a eu la chance d'avoir Sophie qui nous a facilité ces 2 jours et demi, en fait, parce qu'on a fait 2 jours et demi. On est parti au vert, on s'en est inspiré de beaucoup de questions qu'on a pu poser à nos clients, à nos équipes en magasin, puisque aujourd'hui, il y a des magasins Decathlon, il y a des produits, mais en fait, aujourd'hui, sans les magasins, on n'existe pas. Et donc, c'était hyper important pour moi, venant de magasins aussi, de pouvoir échanger avec eux et avoir leur avis. Donc, on a pris toutes ces informations. On a travaillé pendant deux jours et demi au vert. On a aussi fait un peu de team building entre deux. Et ça, c'était sympa. On a passé quelques moments plutôt sympas ensemble. Et après, je me suis laissée 2 mois pour finaliser le projet, le repartager avec l'équipe, être sûre qu'on était tous alignés, tous en phase. Et ensuite, on a commencé à partager le projet en interne. Pour expliquer les stratégies, ce qu'on avait envie de mettre en place, expliquer aussi que ça allait prendre un peu de temps parce qu'on changeait un peu de direction et donc ça prend du temps. Mm-hmm. Et aujourd'hui le projet, rien n'est abouti et c'est pas le but du jeu, mais en tout cas est en train de bien se dérouler. Oui, j'imagine. Puis il doit être en évolution permanente. Enfin, en tout cas, je me dis que tous les X temps, il faut le réactualiser parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est sûr. Chez Decathlon, on est dans une entreprise où ça bouge beaucoup. La vitalité, l'adaptabilité au changement font partie aussi des qualités qui sont importantes chez nous. Et effectivement, le monde aussi change très vite. Donc oui, rien n'est figé. On se donne un cap. On met les moyens en place et des stratégies en place pour aller vers, mais le cap en soi n'est pas le but final. Et très très souvent, on est obligé de changer de chemin. Parfois, on avait imaginé des choses et puis c'est plus du tout pertinent 2 ans plus tard. Et c'est la raison pour laquelle aussi que quand on travaille nos stratégies, etc., c'est des choses qui sont revisitées régulièrement. Tout à fait. Donc, du coup, tu parlais de renonciation. Il y a des choses auxquelles vous avez renoncé ? Dans tous les cas, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on a la chance que l'équitation soit un sport extrêmement divers, avec énormément de disciplines. Je ne pense pas me tromper si je dis que quand on va sur le site de l'EFFE, il y a plus de 50 disciplines revendiquées sur le site. J'irai compter, mais oui, ça ne me choque pas, en tout cas, là, comme ça. Voilà, entre les, ce que j'appelle les grandes pratiques sportives, puis les disciplines à l'intérieur. Donc, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, comme toute entreprise, on a des finances à tenir, on a une certaine seuil de rentabilité et donc on a pris des choix de se dire en tout cas que dans un premier temps, on allait vraiment se concentrer sur les disciplines majeures qu'on retrouve en France. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas peut-être plus tard certaines disciplines dont je pratique aujourd'hui, type l'attelage. Ou l'endurance, je dis ça comme ça. Voilà, ou l'endurance, qui sont des disciplines super chouettes, où il y a certainement plein de choses à faire, mais on y va étape par étape, en essayant de proposer d'abord les disciplines où il y a peut-être le plus de pratiquants, mais pour autant, on n'exclut pas, mais on y va étape par étape, parce que quand on se disperse et on fait beaucoup de choses, souvent, on ne le fait pas très bien. En tout cas, c'est dans cette démarche que nous nous sommes aujourd'hui. Oui, puis j'imagine que dans la volonté de Decathlon de rendre accessible, vous prenez les premières disciplines les plus pratiquées et c'est logique. Tout à fait, c'est aligné avec notre sens de Foganza et le sens de Decathlon. Et du coup, l'équitation, tu es bien placé pour savoir qu'il faut équiper un cheval et un cavalier. Du coup, les familles de produits, les typologies de produits sont extrêmement variées, puisqu'on passe des bottes aux pantalons, aux casques, mais aussi les brosses, les friandises, les selles, les tapis, les bridons, les couvertures pour l'hiver, les couvertures pour l'été. Enfin, voilà, je te brosse vite fait toutes les familles qu'on peut trouver dans un magasin. Est-ce que c'était une volonté de départ de couvrir autant de choses ? Puisque, tu vois, si je fais un comparatif, tu as parfois des marques qui se sont extrêmement spécialisées, par exemple Sam Shield qui fait que des casques, ou Veredus qui est plutôt dans la protection. Voilà, pourquoi autant de familles ? Est-ce que c'était une volonté ? C'est venu au fur et à mesure ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très en lien avec le sens de Decathlon et donc de Foganza, la notion de rendre accessible, c'est que finalement, si on rendait accessible que le casque, que la botte ou que le pantalon, on ne rend pas toute la pratique accessible. Et ça, c'est même si aujourd'hui, on ne rend pas totalement accessible puisqu'on ne propose pas de centre équestre, Foganza ou autre, mais en tout cas, on rend l'équipement accessible. Donc, ça semblait logique en tout cas de proposer un maximum de typologies de produits. Aujourd'hui, en tout cas, à l'origine, je ne peux pas dire parce que je n'y étais pas, est-ce que c'était piloté de cette façon-là. C'est sûr que l'idée de proposer plutôt des panoplies, donc pouvoir équiper le cavalier de la tête aux pieds, équiper le cheval de la tête aux pieds, ça fait sens par rapport à notre sens. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une stratégie forte qu'on a envie de conserver. C'est que c'est ce qui fait notre singularité. C'est qu'on est une des rares marques qui équipe le cheval et le cavalier de la tête aux pieds. Et donc, c'est un chouette moyen pour nous de créer un lien très fort entre le cheval et le cavalier par le produit et aujourd'hui plutôt par le cosmétique du produit, parce que l'élégance est très important. Et demain, on espère aussi dans la technicité et l'amélioration de l'expérience à cheval à travers les produits aussi pensés avec ce lien, mais plus fonctionnel dans la pratique. Parlons du lien cavalier-cheval alors. Écoute, j'ai lu sur le site de Fuganza deux phrases, donc je te les redis là et puis on en discutera. Donc je cite les deux phrases sur le site de Fuganza. Nous souhaitons rendre accessible la pratique de l'équitation grâce à des produits durables, malins et élégants. Et j'ai lu aussi le bien-être du cheval comme élément majeur de l'union cheval-cavalier. Nous le plaçons au cœur de la conception produit. Donc là, je pense qu'on touche un peu du doigt votre stratégie de conception. Donc comment ça se passe un développement de produits chez Fuganza? Dans les grandes lignes, bien sûr, parce que je me doute que tu ne pourras pas tout raconter. Combien de temps ça prend? Comment naît l'idée? Comment naît le produit? Donc, la première chose, c'est que concevoir un produit, c'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, nous avons dans l'équipe des designers, des stylistes, des modélistes, les ingénieurs produits sur différentes typologies de produits. Moi, par exemple. Exactement, sur toute la partie sellerie-briderie. Et après, on a également énormément d'ingénieurs produits qui travaillent pour nous, qui ne sont pas intégrés dans l'équipe Fuganza, mais qui sont des spécialistes du casque, les spécialistes de tout ce qui est soins du cheval, compléments alimentaires, parce que c'est extrêmement spécifique. Et donc, à chaque fois qu'on travaille un produit, ce n'est pas une personne qui le travaille, c'est ce qu'on appelle un groupe projet. Donc, c'est un groupe de personnes qui le travaillent. Selon la typologie de produit, il y a des choses qui sont plus simples que d'autres. Donc aujourd'hui, le textile, c'est plutôt un sujet qu'on maîtrise dans le global Décathlon. Donc quand on fait un produit textile aujourd'hui, il nous faut environ 14-15 mois. D'accord. Entre le brief produit, qui est fait par le chef de produit ou responsable utilisateur, et l'arrivée du produit en magasin. Et dans ce temps-là, il y a un temps de brief qui est fait avec le groupe projet, donc principalement le designer, l'ingénieur produit, mais pas que. On essaie d'inclure les équipes de communication dès le démarrage du produit parce qu'on est très fiers du fait que nous concevons nos produits, en fait. On a des designers qui imaginent les produits. On a les ingénieurs produits qui rendent palpables, réels, les produits. Et ensuite, on a les équipes de communication, les équipes de merchandising qui permettent de les mettre en avant, de les vendre. Et après, l'équipe du supply, qui est un métier extrêmement dur et je tiens à les saluer parce que c'est un métier qui est dur. C'est assez difficile parce que, en fait, quand on est en rupture de stock, c'est parce qu'on n'a pas commandé assez. Quand on a un peu trop de stock, c'est qu'on a trop commandé. Et donc, c'est jamais évident. On n'est jamais bon comme il faut. Donc c'est un métier qui est difficile, mais qui est essentiel, puisque si on a fait des super produits, mais qui ne sont pas disponibles pour nos clients, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc, oui. Attends, je rebondis juste, parce que j'aimerais quand même insister sur une notion, c'est que vous concevez les produits, oui. Au sens où vous êtes vraiment impliqué dans la conception. Ce n'est pas quelque chose que vous allez piocher chez un fournisseur qui propose ça dans sa gamme et que vous adaptez. C'est vraiment quelque chose où vous avez dessiné vous-même, fait vous-même. Oui. Quasiment tous nos produits. Je ne vais pas mentir, il y a quelques produits dans notre gamme aujourd'hui qui ne sont pas nos produits. C'est des produits d'autres marques. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a quelques produits où on va collaborer. Mais la vaste majorité de nos produits, c'est les produits qu'on a dessinés de A à Z, dont on a travaillé avec les équipes de conception et on a toutes les équipes de ce qu'on appelle process et production qui vont nous aider à choisir le bon composant, le bon fournisseur. Et en fait, on gère vraiment de A à Z tout le conception de nos produits. Donc, je disais, les textiles, c'est 14-15 mois. Les produits plus techniques comme le casque, la chaussure, même le céleri briderie, bah, c'est les périmètres qui peuvent prendre facilement 18 mois, 2 ans, parfois plus. Quand on travaille sur l'innovation, bah, souvent on ne sait pas. Parfois ça peut aller très vite, parfois ça peut prendre des années. Mais en moyenne, on est à peu près, là on vient de lancer les collections 2021. On est au mois de septembre, voilà, septembre et les premiers produits de 2021 arriveront début 2021. Voilà, pour donner une grande idée de comment ça marche. Okay. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous impliquez d'autres gens que Decathlon dans les développements? Oui. Donc, en fait, depuis de nombreuses années, on a impliqué plutôt à la fin du processus de conception du produit. Donc, on avait fait toute la phase dessin, choix des composants, prototypage. Et là, on allait consulter les cavaliers selon la typologie de produit, à la fois pour avoir leur avis sur le cosmétique, le visuel du produit, parfois pour l'essayer. Et ensuite, après, pour faire des tests, ce qu'on appelle des tests d'usage, qui sont les tests qu'on fait en conditions réelles, parfois de manière protocolée. Et parfois de manière ce qu'on appelle plutôt longue durée, où on va laisser le produit plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'accord, chez un cavalier, et qui nous fera les rapports d'évolution du produit pendant ce temps-là. Ok. Est-ce que du coup tu as des clubs hippiques, alors je vais dire le mot préféré, mais c'est sûrement pas le bon terme, en tout cas avec lesquels tu collabores davantage? Oui, donc aujourd'hui, on a plutôt tendance de les appeler les clubs partenaires. En fait, notre optique, c'est vraiment de, comme on disait juste avant, en fait, c'est vraiment maintenant d'inclure de plus en plus des clubs, les cavaliers, les pratiquants dans la conception de nos produits. Donc, on va de plus en plus les intégrer au plus tôt. Donc, parfois, c'est même dans la phase de dessin. Parfois, on va aller faire ce qu'on appelle les tables rondes dans ces clubs-là. Donc, on a aujourd'hui on a deux clubs avec lesquels on a officialisé des partenariats. Donc, il y a le club de Sainte-Anne à Toulouse et l'Institut de Genet qui se retrouve pas très loin de nos bureaux. Pourquoi ces deux choix-là? Parce que Nord et Sud, donc c'est intéressant côté climat et côté façon de pratiquer qui est différente. Après, l'écurie de Sainte-Anne, on travaille avec eux depuis une dizaine d'années. Donc, ils nous connaissent bien. Ils nous aident beaucoup, notamment dans la phase de test de longue durée. Et on a compris ensemble comment bien fonctionner. Et l'Institut de Genet, où c'est assez récent. Et dans tous les cas, c'était pour avoir un lieu plus proche de nos bureaux, où il y a énormément de cavaliers à disposition de manière quasi permanente. Et qui nous permet d'aller tester les produits encore une fois avec des cavaliers de différents niveaux, différentes intensités. Donc en tout cas, c'est hyper important pour nous, les partenaires. Et on est vraiment dans une relation donnante-donnante. C'est-à-dire que on ne cherche pas à faire du sponsoring, on cherche vraiment à travailler ensemble. Donc évidemment, on trouve des moyens de les accompagner dans leur activité. Mais le but premier, c'est vraiment la conception des produits et la validation des produits. D'accord. Vous êtes en demande de clubs partenaires ou pas nécessairement, ou avec des conditions spécifiques? Donc aujourd'hui, en fait, on a énormément de clubs, énormément. On a pas mal de clubs qui travaillent en local avec leur magasin Decathlon. Et eux, c'est plutôt dans un partenariat de rendre accessible l'équitation via des journées d'initiation en magasin. À la rentrée, par exemple, les Vital Sport. Ça se fait souvent Vital Sport, la journée du poney, etc. Oui. Donc, assez souvent, ça se fait avril et septembre. Donc, il y a de plus en plus de magasins qui ont envie d'organiser. Et c'est essentiel d'avoir un club partenaire pour ces événements-là. Donc ça, c'est les engagements plus ponctuels. Après, nous, aujourd'hui, on est toujours ouverts à la discussion et voir si on arrive à trouver un accord qui peut fonctionner autant pour le club que pour nous. Ok, c'est bon à savoir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je reviens sur la conception de produits. Alors, je pense que c'est peut-être une question que certains peuvent se poser. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction à se dire qu'on rend accessibles des produits techniques? Est-ce que, du coup, c'est faisable? Et est-ce que c'est au détriment ou de la sécurité? Mmh. Enfin, voilà. Est-ce que, du coup, tu peux nous en parler plus? Mmh. Comment Bien rendre sûr. Accessible quelque chose de technique? Mmh. Donc, pour moi, la technicité peut passer par plusieurs choses. Et souvent, on imagine que technique égale cher, et ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, technique, c'est la bonne coupe. Et parfois, la bonne coupe d'un produit ne coûte pas forcément... Parfois, ça coûte plus cher, mais parfois, ça ne coûte pas plus cher d'avoir la bonne coupe de veste, la bonne forme de mini-chaps, etc. Donc, parfois, ça ne coûte pas plus cher. Parfois, oui, ça peut coûter plus cher. Ce qui est certain chez Decathlon et donc chez Fuganza, c'est que la sécurité de nos clients, nos utilisateurs, c'est notre axe prioritaire. Donc, on ne prend jamais de risques sur ce sujet-là. Et pour l'illustrer, en fait, c'est un énorme travail qui est réalisé par nos ingénieurs produits, parce que dans la phase de conception d'un produit, selon la typologie de produit, parce qu'évidemment, il y a des produits qui sont normés, les casques d'équitation, les chaussures de sécurité, les gilets de protection, les produits de soins, il y en a certains qui sont normés. Donc là, la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que on fait valider, normaliser tous ces produits par des laboratoires indépendants qui ne sont pas au sein de Decathlon, même si nous avons nos propres laboratoires en interne pour nous aider à développer le produit le plus vite possible. Par exemple, les casques, on a un laboratoire en interne qui ressemble à un laboratoire de normalisation de casques. C'est juste que nous, on ne normalise pas de casques dedans, mais ça nous permet de faire tous nos tests et de bien concevoir le produit dès le départ. Oui, comme ça, le jour J du test, du vrai test, on n'a pas de mauvaise surprise, en gros. Normalement, oui. On n'a pas de mauvaise surprise. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment pour les produits normés. Et nous sommes très exigeants sur ce point-là. Après, on a aussi, par exemple, un pantalon qui peut sembler... assez anodin comme produit, même si c'est un technique comme produit, bah là, on a toute une batterie de tests de laboratoire qu'on peut réaliser, de lavage, de durabilité, de résistance, d'adhérence. Et ça, c'est les tests qu'on a parfois qui s'appliquent à d'autres produits chez Decathlon et parfois qui sont spécifiques à nos produits, puisque l'équitation, c'est assez... singulière comme sport. Donc, on a conçu des tests et on est en train d'en concevoir d'autres pour pouvoir bien tester les produits, à la fois en laboratoire, avant de les mettre à disposition des cavaliers. Encore une fois, pour être le plus sûr possible que le produit qu'on met dans la main des cavaliers pour tester est le plus fiable possible. Voilà qui est hyper rassurant et hyper intéressant, parce que c'est vrai que ça peut faire peur de se dire qu'un casque d'équitation coûte, le premier prix c'est 20 euros. Voilà, quand on sait les prix des autres marques, on se demande où est le souci. Donc c'est hyper important de savoir que même pour 20 euros, les normes sont respectées, que c'est vraiment un ADN de Decathlon, la sécurité. Voilà, c'est quelque chose à avoir en tête au moment des achats. Si je balaye un petit peu les produits de Decathlon, Decathlon est quand même connu pour toutes ses innovations. Je pense à la tente de seconde, je pense au masque Easy Breath, je pense globalement aux Innovation Awards que Decathlon peut faire toutes les fins d'année. Alors du coup, est-ce qu'il se passe des choses sur Fuganza? Est-ce qu'il y a des petites avant-premières, des projets innovants? Ou c'est encore secret? Oui, donc effectivement... l'innovation fait partie de l'ADN de Decathlon. La façon qu'on essaye de l'exprimer le plus chez Fuganza, c'est plutôt sur l'angle des astuces. On appelle ça un peu les réponses au « j'en ai marre ». Voilà. Par exemple, j'en ai marre de ne pas savoir où mettre mon téléphone portable quand je monte à cheval. Et en partant de ça, ça faisait comme quelques années qu'on se creusait la tête. On a mis des poches un peu partout. Et puis, on est arrivé il y a quelques années avec la poche sur la cuisse. Avec la fermeture. Et donc aujourd'hui, c'est devenu plutôt une signature de nos pantalons et en tout cas est très apprécié parce qu'effectivement, ça ne gêne pas du tout au moment de la pratique, même si ce n'est pas fortement conseillé d'être au téléphone ou attraper son téléphone quand on est à cheval, je l'ajoute quand même, ça le rend plus facilement possible en cas de besoin. Alors ça, c'est fort parce que là, du coup, tu viens de me parler d'une innovation qui, en fait, n'a pas forcément nécessité 15 milliards de calculs et 10 ans de recherche. C'est ça aussi l'innovation des fois. Tout à fait. C'est en fait nous chez Decathlon, on a deux grandes façons d'aborder l'innovation, des vraies ruptures d'usage, l'attente de secondes, l'easy breath dont tu parlais juste avant, et après c'est juste en fait est-ce que le deuxième niveau c'est est-ce que j'ai amélioré l'expérience du sportif. Et on a plein d'exemples chez nous de petites choses. On a les produits, par exemple, les sacs de ponçage, où de toute façon, il n'y a rien de plus énervant que de se dire « Toutes les semaines, j'ai plein de poils, du foin, de la paille, des copeaux au fond de mon sac. Bon, » on a créé il y a plusieurs années maintenant les Easy Clean, où on a une espèce de fermeture en bas du sac, on l'ouvre, il y a un filet en bas et tout tombe. Oui, les affaires sont retenues par le filet, mais la poussière tombe. Okay. C'est ça, exactement. Donc, c'est plein de petites choses comme ça, parce qu'on essaye toujours, quand on conçoit un produit, on essaye toujours de partir du besoin de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on passe aussi beaucoup de temps sur le terrain, à les regarder, à les observer. Les responsables utilisateurs, chefs de produits aujourd'hui, ce sont des cavaliers qui montent à cheval très régulièrement. Donc, on part vraiment de ça. Après, on a quelques projets dans les soutes qui vont arriver normalement dans les mois à venir. Ah. Je peux pas de coup en dire trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment deux grandes idées derrière les innovations qui arrivent. La sécurité plutôt cavalier, et puis le bien-être, là pour le coup plutôt cheval. Ok. Donc je vais laisser un peu de suspense courir et puis... J'ai hâte. Voilà. Oui, dans les prochains mois. Bon, comme c'est une innovation, je me doute que tu ne me donneras pas de date précise, mais on surveillera du coup les magasins, les sites Foganza, et on verra bien. On parlait bien-être, on parlait cheval, on parlait cavalier... quels sont pour toi les produits incontournables de l'équitation? Comme ça, là, quels sont ceux qui sont iconiques, où tu te dis, pour démarrer l'équite, il me faut ça absolument? Donc, en fait, moi, j'ai deux angles de vue sur cette question. Je pense que le premier, c'est que, qu'on soit cavalier ou pas, il y a un produit dont tout le monde a en tête, c'est la selle. Parce que c'est vraiment le produit qu'on soit cavalier ou pas, on voit à peu près ce que c'est une selle d'équitation. C'est un produit, moi je trouve, extrêmement noble, très complexe à travailler, parce que si on veut être dans le respect du cheval, l'accompagnement du cavalier pour qu'il soit dans la meilleure posture possible, bah, globalement il y a énormément de formes de selle, de matière, etc. Donc ça, pour moi en tout cas, c'est un peu le produit iconique, référent de l'équitation. Et après, pour moi, les produits, ce que je dirais plutôt essentiel selon moi, évidemment, il y a le casque. Donc, certainement, peut-être aussi parce que je suis anglophone, mais en tout cas, en Angleterre, on est, dès notre plus jeune âge, poussé à bien se protéger, que ce soit avec un casque, un gilet de protection. Donc, en tout cas, moi, je prône ça. Et chez Foganza, c'est important, la sécurité couple cavalier-cheval. Ensuite... Je pense pour ce qui est important, en tout cas, quand on échange avec les cavaliers, quand on leur demande pourquoi ils arrêtent, parce que globalement, il y a énormément de cavaliers qui arrêtent à la fin de la première année d'équitation. Et quand on leur pose la question, les premières raisons sont « je suis tombée, j'ai eu peur, je me suis fait mal ». Donc, bon, première raison, il y a des réponses à ça, mais qui sont peut-être moins chez Foganza sur le produit et plus dans la façon dont ils peuvent apprendre. Et après, c'est, en hiver, j'ai froid, en été, j'ai chaud, c'est pas très confortable, c'est engourdi, bref, je suis pas bien. Et donc ça, c'est là où on a un vrai rôle à jouer. Et donc, en tout cas, pour moi, je pense qu'au-delà du casque, pour le côté sécuritaire, c'est un bon pantalon qui évite les frottements, qui suit les mouvements, parce que l'équitation, même si on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, c'est une position particulière et on a besoin d'être hyper à l'aise par rapport à ça. Attends, là, je coupe quand même parce que l'équitation est un sport et je pense que tous les cavaliers sont d'accord avec toi sur ce point-là. On fait des trucs à cheval. Voilà, tout à fait. On transpire bien, on se muscle, oui, tout va bien. Donc, en tout cas, pour moi, c'est le pantalon. Et après, une chaussure ou une botte adaptée qui, encore une fois, permet un bon niveau de confort, de baisser les talons, d'être proche du cheval, pas subir des frottements qui peuvent arriver. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pour le cavalier, c'est... Si on devait être très essentiel dans le choix des produits, c'est les trois produits que je conseillerais. Donc ouais. Le casque, le pantalon et des bonnes bottes, chaussures. Après, en tout cas, moi, je conseille vivement aussi un gilet de protection et une dorsale parce que je trouve que, notamment pour les plus petits, quand ils démarrent, bah, en fait, quand ils tombent et tu te fais pas mal, bah, tu remontes vite et c'est reparti. Et aujourd'hui, on travaille les solutions parce que ça fait partie des produits où on dit oui, mais c'est un peu gros, c'est pas très confortable. On travaille des solutions, on propose des produits de plus en plus avec l'idée de répondre à cette contrainte. Donc, je pense que dans les années à venir, on aura aussi... encore plus. Donc voilà, ça c'est plutôt mon conseil à moi. Mes casques, pantalons et chaussons, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Les basiques. Des temps forts pour toi sur les moments équestres de l'année ? Peut-être des concours, des salons ou... Notre façon de fonctionner chez Decathlon, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est que Foganda existe à travers Decathlon. On est uniquement commercialisé aujourd'hui à travers des magasins et le réseau Decathlon, decathlon.fr. Et donc... il y a énormément de magasins et d'ailleurs je les remercie qui organisent les événements en local. Donc parfois ils sont présents avec des stands sur les concours de leur club, de leur région. Après on a quelques grandes manifestations qui ont lieu en France avec le salon de Bordeaux, avec le salon de Besançon. Je pense que cette année, je peux le dire, on sera au Salon de Paris. Super. Voilà. Et puis, évidemment, l'événement, en tout cas, donc, beaucoup parlent en mois de juillet, c'est la mode Beauvan. Où, les fameux championnats de France. qui est voilà, un très chouette événement. Et donc, on est présent là-bas depuis quelques années maintenant. Et cette année, en fait, on a voulu amener autre chose que simplement la vente des produits. Donc, on a fait un stand, pour le coup, Foganza et non pas Decathlon, où l'objectif, c'était vraiment de présenter les produits Foganza, donc avec les dessins des designers, leurs croquis, les choix des composants et les produits finis. Donc vraiment raconter l'histoire, parce que Decathlon, en fait, c'est l'histoire des hommes et des produits. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de partager. Et on a aussi mis à disposition des produits en test. Ça devait être sympa d'être sur la motte et de pouvoir tester avec son cheval, en plus, pas très loin. En tout cas, c'était l'idée. Et effectivement, c'était plutôt bien apprécié. Et aujourd'hui, ce qui est une chouette nouvelle... Je te coupe, du coup, on pouvait tester quoi ? Donc, on pouvait tester des bottes, des bridons, des pantalons. D'accord. Voilà. Et ce qui est chouette aujourd'hui, maintenant, c'est un service disponible dans chaque magasin Decathlon en France. On a la possibilité... En fait, globalement, on avait la possibilité d'acheter un produit... Et si ça ne convenait pas de la rapporter, là, on a la possibilité de tester pendant 7 jours un produit sans le payer. Et si le produit nous convient, bon, on le garde, pas besoin de se redéplacer en magasin, il y a un système mis en place pour faciliter le paiement. Et si le produit ne nous convient pas, on peut le rapporter en magasin, on n'a rien acheté. Et donc, ça permet de vraiment se reconforter dans son choix. Parce que, évidemment, surtout quand il s'agit des produits pour le cheval, on ne peut pas l'amener en magasin. Et donc, parfois, on n'est pas sûr du choix. Bah, c'est un service qui est mis en œuvre, pas que pour les produits d'équitation, pour tous les produits chez Decathlon, mais en tout cas, pour l'équitation, c'est plutôt très utile. Oui, ça, c'est vrai que c'est un gros problème, je pense, pour tous les cavaliers, c'est de savoir à peu près la taille de son cheval. Mmh. Parce que globalement, ce qu'on connaît, c'est juste la hauteur au garrot et à quel point il est gros. Mais après, c'est un peu plus compliqué de se dire « mon cheval fait un 40 ». Je caricature, du coup, mais... Tout à fait. Ouais. C'est super de pouvoir tester. Quelle est ta vision de l'équitation ? Est-ce que tu as noté des tendances, des volontés, des changements chez les cavaliers au cours de ces dernières années ? En fait, ce qui est assez intéressant, tous les ans avec l'équipe, en fait, on fait ce qu'on appelle notre point mi-année. Donc, c'est une réunion d'équipe un peu prolongée où on part à la découverte d'une nouvelle discipline et ensemble, il y a une partie réunion bien évidemment, mais après on passe du temps à pratiquer, à découvrir une nouvelle discipline, de nouvelles personnes. Et c'était assez intéressant parce que cette année, on était dans un lieu où on nous a posé la question de « est-ce que vous savez pourquoi vous montez à gauche quand vous montez à cheval ?» Je ne sais pas si tu sais pourquoi on monte à gauche quand on monte à cheval. Écoute, je pense savoir la réponse, mais je te laisse... Donc, en tout cas, il expliquait à l'équipe, parce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'à l'époque militaire, en tout cas, on avait l'épée qui était portée à gauche. Donc, ce n'était pas possible, en fait, de plier, d'enjamber de cette façon-là, d'où le fait qu'on monte toujours à gauche. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison pour monter à gauche. Je n'ai pas d'épée, en tout cas. Voilà, moi, mais... je vois pas, peut-être que... quelqu'un va nous en dire, mais en tout cas, mais c'est une tradition. Donc en fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que l'équitation, c'est un sport très traditionnel à la base, qui a des racines militaires. Et on voit que c'est un sport qui évolue et qui a fortement évolué ces derniers 10, peut-être 15 ans, où on voit des produits... très en rupture par rapport au côté traditionnel qu'on peut connaître. Je pense notamment à tous les produits étriers qui sont proposés aujourd'hui. Je pense aussi aux produits chaussants qui sont quand même plus du tout les bottes en cuir qu'on galérait à mettre, dures comme tout. Aujourd'hui, c'est tout sauf ça, en tout cas. Alors, c'est vrai que l'étrier, qui à mon avis n'a pas évolué depuis 2000 ans, tout d'un coup s'est vu s'ouvrir en métal, coloré... Complètement en plastique. Révolutionné en fait. Et c'est plutôt une tendance qui se dégage. Et moi, en tout cas, mes convictions par rapport à ça, c'est que on a compris que l'équitation est un sport. Enfin. Et donc, on s'est rapproché aussi des matières utilisées dans d'autres sports, parce que quand on est à cheval, on transpire. On a besoin de la liberté de mouvement, on a besoin du stretch, on a besoin du confort, on a besoin des produits qui se mettent à notre forme. Donc, je pense qu'on a bénéficié finalement d'autres sports qui sont peut-être plus en avance sur le côté sportif, parce que c'est devenu de plus en plus une discipline où la performance, en tout cas, a un certain niveau compte. Donc l'attention aux détails, le poids des produits, la performance proposée est hyper important. Et donc je pense qu'on est en train de vivre un vrai changement dans le monde équestre. On passe de l'histoire et la tradition au sport et la performance. Évidemment, on a aussi, à mon sens, un autre volet qui rentre en compte, c'est le bien-être du cheval. Et c'est important parce que pour moi, évidemment, que ce soit les humains ou les chevaux, je ne crois pas que la performance puisse avoir lieu sans le bien-être et sans le plaisir. Mais je pense aussi que l'équitation, c'est important qu'on ne se dise pas juste il n'y a que le côté sport, que le côté performance et que le côté compétition. Je pense que la première base de tout, c'est la relation que j'ai avec mon cheval. Et donc, je pense que si on a envie de continuer à rendre l'équitation accessible, de donner envie à énormément de personnes de pratiquer, il est hyper important de faire découvrir d'autres facettes de l'équitation. Et on n'est pas obligé de monter sur le cheval. On peut aussi travailler à pied, on peut aussi faire plein d'activités à côté de son cheval. Et ça, c'est les disciplines que je ressens plutôt en plein essor en ce moment. Et tant mieux, parce que c'est complémentaire et pour le cheval et pour les cavaliers. Donc, je pense que il y a une vraie notion de diversité aussi qui rentre en compte. Comme je disais tout à l'heure, il y a un nombre de disciplines aujourd'hui, et j'ai un peu l'impression que du coup, chacun peut trouver son compte en fait, qui était peut-être moins le cas il y a quelques années. Pour parler personnellement, je n'avais jamais entendu parler d'endurance quand j'étais jeune. Moi, l'équitation, c'était forcément dressage, saut. Et je pense que pour de nombreux cavaliers, ça a été pareil. On ne leur a pas posé la question de est-ce qu'ils aiment la rando ou est-ce qu'ils aiment sauter. C'est ça, ouais. Tout à fait. Donc, je pense qu'on vit un vrai changement qui est hyper chouette à observer et aussi très chouette parce que ça nous donne un peu plus de liberté à proposer des produits un peu différenciants dont nous, on est convaincus que ça va améliorer la relation avec le cheval, le plaisir qu'on peut prendre quand on est en selle. Et je pense que nos cavaliers sont vraiment prêts à accepter des produits qui sont un peu moins dans les codes traditionnels qu'on a pu connaître et un peu plus tourner autour de la technicité et la performance du produit, pas forcément la performance résultat. Est-ce que tu penses que le cheval a de plus en plus une place centrale dans l'équitation, qui n'est pas juste un faire-valoir, mais vraiment un compagnon ? C'est quelque chose que tu... Oui, moi je le perçois dans le sens où déjà je pense que le cheval on le traite comme un athlète aujourd'hui, qui était moins le cas il y a quelques années. Donc je pense que en tout cas et c'est pas que les chevaux de haut niveau, mais on peut suivre certains documentaires sur les chevaux de haut niveau et on voit à quel point ils sont bichonnés avec des soigneurs, des ostéopathes et tout un tas de voilà de balnéothérapie, etc. Voilà, c'est comme des athlètes humains. C'est ça, exactement. Ouais. C'est des vrais athlètes, mais même je pense qu'il y a énormément de cavaliers comme moi aujourd'hui qui font venir régulièrement le dentiste, l'ostéopathe, le vétérinaire et qui prennent soin de leur cheval. On voit aussi une vraie évolution en France, en tout cas, puisqu'il y a d'autres pays où c'est présent d'avant, mais des saddle fitters, des bit fitters. Toi, en Angleterre, vous étiez précurseur, je pense, sur ce point-là. Précurseur, j'aurais peut-être pas cette prétention, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'on a des saddle fitters, qu'on achète une selle en allant... le saddle fitter se déplace avec plusieurs selles, on essaye, on teste, on ajuste parce qu'on a beaucoup de selles ajustables, pas forcément l'arcade ajustable, mais on peut changer carrément ce qu'on appelle le flocage à l'intérieur. Donc en tout cas, ça aussi c'est une vraie tendance qui se dégage, et je pense que tout ça c'est lié au fait qu'on apprécie que quand moi j'ai une chaussure qui me serre ou qui est trop grande, trop petite, qui me pince à un certain endroit, mais je suis pas très à l'aise pour aller courir, c'est la même chose pour le cheval, avec le mors, avec sa selle, avec le tapis, avec les guêtres. Et donc je pense que tous ces sujets là on est de plus en plus au fait, et on a des solutions et des réponses aussi pour nous permettre de les résoudre. Et j'imagine que tout ça tes équipes le ressentent aussi, et que c'est une préoccupation qui est commune. Oui. J'imagine que tous les gros projets dont tu parlais tout à l'heure qui développent les produits ressentent aussi ça, et du coup l'appliquent au quotidien pour leur développement. Et est-ce que vous faites appel du coup à des experts aussi par exemple, tu vois, tu parlais de Bitfitter ou de Saddlefitter, est-ce que ce sont des gens auxquels Decathlon et Fuganza du coup font appel pour aider à aller dans le détail de ce lien ? De plus en plus, en fait, au sein de Decathlon, on a notre propre centre de recherche et développement avec des outils plutôt très poussés sur pas mal de sujets. Pour le cheval, c'est un peu moins le cas. Et aujourd'hui, effectivement, on se rapproche et on s'est rapproché des vétérinaires pour développer certains produits, notamment alimentaires et autres. Là, on a travaillé il y a quelques années avec une éthologue pour nous accompagner sur la conception de certains bridons. Et là, on est en train de rentrer dans un cycle de retravail de certains équipements, bridons, etc. Et on va faire appel à des experts parce que on sait qu'il y a un besoin aussi de se confronter et se dire ok, nous on a imaginé ça, voilà comment on le voit, on a quand même, ça fait quelques années maintenant qu'on conçoit les produits, donc on a certaines convictions, on a aussi des choses qu'on a testées. Et donc là, l'idée, c'est d'aller au bout de la démarche et parfois de façon assez scientifique, pouvoir prouver que le produit apporte vraiment autre chose au cheval. Des produits, du coup, dont tu es très, très fière ? Mais carrément, carrément. On a quelques vraiment chouettes produits, je trouve... on a évidemment le bridon 580 donc tu étais voilà dont tu étais l'ingénieur produit qui est juste un fantastique produit, dans le sens où je trouve qu'il répond vraiment à notre sens. C'est qu'on a fait un produit beau, technique et à un prix hyper intéressant. Allez l'acheter en magasin, 40 euros, voilà. Existe en noir et en marron. Je ne fais pas du tout la pub. Voilà. Et plusieurs déclinaisons, strass, glossy. En tout cas, vraiment, c'est un produit dont on est très fiers. Là, on a une toute nouvelle gamme de casques qui est en train d'arriver en magasin, dont il a eu un travail de design et de développement vraiment très poussé dessus. Le nom du casque, du coup ? Donc, il y a le C520. D'accord. qui est en train d'arriver, et puis il y a plein d'autres déclinations qui arriveront dans les mois à venir. Donc pareil, il faut être un peu patient, mais voilà, ça va arriver. Après, on a toute la gamme de guêtres que nous sommes en train de refaire. Donc là, il y a les premiers qui sont arrivés, les 500, et puis il y a toute une suite qui arrive pareil dans les mois à venir. Et après, de manière plus générale, sans citer forcément le nombre de produits, mais notre gamme de pantalons sur la partie été et hiver, parce que ça, c'est une réelle problématique, en fait. C'est que quand on est... La problématique n'est pas quand on est passionné, il faut monter toute l'année. En tout cas, on monte toute l'année. Ça, c'est pas une problématique, c'est plutôt un plaisir. Mais parfois, c'est quand même pas toujours chouette. J'ai eu l'expérience cette semaine. Voilà, il pleuvait des cordes, il faut se lever... à 7h et on est en selle, et cette semaine à 7h02 on est par terre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans tous les cas, c'est quand même chouette de pouvoir dire bah, j'ai un pantalon qui tient chaud, j'ai un pantalon imperméable, en été il fait quand même très très chaud, bah, j'ai les pantalons un peu plus légers qui permet une meilleure évacuation de la transpiration. Donc ça, c'est des gammes de produits dont je suis fière, parce que je pense qu'encore une fois on a servi notre sens, qui est de rendre accessible l'équitation, de rendre plus plaisant, de renforcer le lien entre le cheval et le cavalier à travers ces gammes de produits. Et alors, une tendance que j'ai notée, mais qui est peut-être récente, en tout cas pour l'opinion publique, c'est l'environnement. Et du coup, toi, en tant que leader de marque, est-ce que tu as des objectifs d'environnement pour l'équitation, qui en plus est une discipline qui potentiellement se passe un peu dans la nature? Et moi, par exemple, en endurance, je passe pas mal de temps dehors. Et donc voilà, est-ce que tu as des targets, des stratégies sur l'environnement et sur la durabilité peut-être? Il y a des stratégies décathlon. Qui sont très très fortes, en fait. C'est une vraie volonté de Décathlon. On parle de préserver notre planète, parce qu'on a pris conscience que si on n'agit pas, peut-être que notre planète ne sera pas là en quelques années. Que effectivement, l'équitation, c'est un sport où, même si tout le monde ne le pratique pas dans la nature, c'est plutôt une association qu'on fait. Nature égale cheval. Quand on demande aux personnes c'est quoi un peu votre image de rêve, c'est souvent le cheval qui galope sur la plage ou qui galope dans les plaines. Donc en tout cas, cette notion de nature est très, très présente. Donc oui, évidemment, donc il y a plusieurs volets sur lesquels on travaille. Le premier, c'est la durabilité des produits, parce qu'un produit qui dure, c'est un produit qu'on ne remplace pas, qu'on ne jette pas. Donc, et la durabilité passe par plusieurs axes. Ça passe par le fait de concevoir un produit qui résiste mieux, parfois, à l'utilisation. Après, il y a des typologies de produits où c'est difficile à faire. Par exemple, les couvertures sur des boucles. Des chevaux plus destructeurs que d'autres. Et donc, très difficile de se dire, là, on fait des boucles qui ne cassent pas. Et puis, parfois, ce n'est pas non plus la bonne solution. Mais par contre, c'est comment on peut faire pour réparer très facilement le produit. Donc, on a trouvé des systèmes de boucles qui se glissent sur des produits pour que, en fait, on puisse soit donner, soit vendre en fonction de l'âge du produit des pièces de remplacement, de service après-vente. Donc, pièces détachées, Exactement, les pièces détachées. Parce que je pense aussi que, en tout cas, moi, en tant que cavalière, j'ai quelques produits dont je suis assez attachée. Et que quand on commence à les voir arriver en fin de vie, on est un peu triste parce qu'on n'a pas spécialement envie de les changer, mais à un moment donné, on est obligé. Nous, on voudrait trouver des solutions à ça. On sait aussi qu'on a des problématiques sur des bottes où parfois la fermeture, elle casse parce qu'on le coince, etc. Donc, c'est comment on fait pour pouvoir remplacer facilement ces zips pour ne pas forcément changer systématiquement le produit. En plus, la botte, c'est typiquement un produit qu'une fois qu'on est bien dedans, on n'a pas envie de rechanger. Tout à fait. Donc on a cet axe-là. Après, globalement, chez Decathlon, on a donc les chiffres, je ne les ai pas forcément là en tête, mais on a des targets très, très clairs sur l'émission CO2. Donc, Foganda, évidemment, on contribue à ça. Donc, on a les actions très, très fortes, notamment sur la production de nos produits, sur les fils, les composants qu'on peut utiliser. On a des équipes de plutôt de conception qui ne sont pas chez Foganza, mais qui œuvrent au service de Decathlon, qui travaillent énormément sur l'éco-conception, des composants éco-conçus, les composants responsables. On a quelques produits un peu phares qui ne sont pas forcément chez Foganza, mais des polaires faites en bouteilles recyclables, bah, voilà, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup. Nous, on a quelques produits dans notre gamme de produits éco-conçus, notamment en pansage. Et c'est plutôt une tendance qu'on est en train de... Et ce sont lesquels, du coup, les produits éco-conçus ? Des brosses schooling de notre gamme. Donc les brosses premier prix, en gros ? C'est ça, tout à fait. Donc, encore une fois, ça montre qu'il ne faut pas forcément faire... c'est pas forcément cher. Parfois, c'est un peu plus cher. Et après, c'est toujours la même chose, en fait. C'est est-ce que c'est plus cher à l'achat ? Mais en fait, ça dure plus longtemps. Donc finalement, bon, il y a c'est plein rentable, de questions à se poser. Et on se pose beaucoup de questions aussi sur beaucoup d'autres typologies de produits. Et donc, en tout cas, c'est une réelle préoccupation aujourd'hui au sein de Foganza. Chez Decathlon, on a les notations sur nos produits. Les notations, du coup, c'est... Les notations environnementales. Comme les machines à laver, en tout gros. Globalement, c'est à peu près ça qui permet de montrer l'impact environnemental de chaque produit que nous vendons. Donc, évidemment, quand on a un produit qui impacte peut-être plus fortement que d'autres, on est plutôt les hommes et des femmes des défis. Donc, on se dit comment on peut faire pour améliorer ça. Donc, en tout cas, on a vraiment deux axes. C'est réduire notre impact CO2 et rendre nos produits plus durables, soit parce que conçus pour durer plus longtemps, soit parce qu'on peut les réparer. Eh ben, j'imagine que c'est aussi un axe pour rendre l'équitation accessible à la planète, quelque part. Est-ce que tu as des anecdotes de développement à nous partager ? Des rencontres, des petites fiertés, des avis clients qui t'ont marqué ? Des choses comme ça, là, ouais. Comme ça. En fait, ce qui nous fait toujours très chaud au cœur, aujourd'hui, on a les avis clients. On essaye de lire un maximum. Après, j'avoue qu'on reçoit des centaines par semaine. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on répond à tous nos clients qui ne sont pas satisfaits. C'est très important. Et on essaye de prendre plaisir à lire ceux qui le sont aussi. Ça fait du bien. Mais on répond pas toujours, c'est ça ? Oui, parfois, c'est difficile. Mais on lit. On ne peut pas toujours répondre à tout le monde, mais on lit. Après, de temps en temps, on reçoit les petits messages. Il n'y a pas très longtemps, d'une jeune fille de l'île de la Réunion qui nous a fait parvenir par courrier un message en nous disant qu'elle adorait les produits Foganza. Elle aurait aimé qu'il y ait un peu plus présent à la Réunion, mais en tout cas, qu'elle nous aimait bien. Et donc, on lui a fait parvenir, elle voulait... une autographe de Foganza, donc l'équipe a signé une photo de nous et puis on a donné quelques goodies. J'ai pareil une jeune fille de l'Italie, pareil, qui nous a envoyé là sa photo, une lettre pour nous expliquer ce qu'elle faisait, qu'elle utilisait nos produits. Après, j'ai eu une très belle rencontre il y a quelques années avec un monsieur qui est basé pas très loin de Lyon, qui nous avait sollicité en disant moi j'aime bien vos produits, je fais plutôt la randonnée et donc je partage vos produits sur mon site web en disant achetez ça, ok, c'est super, vous voulez quoi, rien, mais en tout cas si un jour c'est vous avez purement gratuit, on aime vos produits, c'est bien. Le cavalier passe un bon moment parce qu'il est bien équipé, donc il a envie de revenir. Donc il trouvait son compte. Et puis un jour, on a voulu démarrer, en tout cas développer quelques produits un peu plus typés randonnée. Et en fait, je l'avais téléphoné en disant c'est pas tout à fait ma discipline. À l'époque, j'étais chef de produit. Est-ce que vous voulez m'aider ? Et en fait, pendant un an, on a travaillé ensemble et on a vécu une expérience humaine extrêmement chouette. Il nous a écrit presque le cahier des charges. Il a bricolé des produits pour nous montrer ce qu'il voulait. On a été tester les premiers prototypes chez lui. Et puis, à la fin, on a pu lui donner toute la panoplie gravée à son nom en remerciement. Wow, c'est donc, un très beau cadeau. C'était surtout une belle histoire, une belle rencontre. Et puis aujourd'hui, les produits sont toujours là en magasin et plutôt plébiscités. Oui, je pense que tu parles chouette. De la gamme Escape. C'est ça, toute la gamme de randonnée. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est grâce à Johanna qui était chef de produit à l'époque. C'est surtout grâce à notre cher client de Lyon qui nous a beaucoup aidé. Et aux équipes. Et les équipes de conception. Finalement, j'en suis pas pour grand chose en fait. Et mais... les chevaux. Bon, y a plein de monde en fait qui était impliqué. Tout à fait. C'est un vrai travail d'équipe. Si on parle un petit peu plus de toi, un petit conseil, que tu es très impliqué dans l'équitation. Comment est-ce que moi, à mon niveau, comment est-ce que toi, à ton niveau, on peut rendre l'équitation accessible au plus grand nombre? C'est, en tout cas, la façon dont j'essaie de le faire aujourd'hui, c'est déjà de démystifier un peu l'équitation. Il y a une enquête qui a été réalisée il y a quelques années qui a révélé que 14 millions de Français, 14 millions de Français rêvaient de monter à cheval. Ah! Et que dans les faits aujourd'hui, il y a 670 000 licenciés à peu près et un petit 2 millions de cavaliers. Oui, donc entre 2 millions et 14 millions, il y a quand même... Il y a un grand écart. Ouais. Et quand on creuse un peu, bah, c'est le manque d'accessibilité, le cheval fait peur. Voilà. Donc à mon niveau, en tout cas, j'essaye toujours d'expliquer en fait, pourquoi il réagit comme ça, comment le cheval est dans la nature, d'essayer de faire vivre des chouettes moments sans forcément... souvent, certains, ils ont envie de galoper tout de suite. D'autres, ils ont tellement peur. Voilà. Donc, aller au rythme de chacun, mais aussi faire ça dans un environnement plutôt sécurisé, aller étape par étape et ouais, bien expliquer ce que c'est le cheval, pourquoi il réagit comme ça. Parce que quand on a compris, déjà, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Genre, j'arrive derrière et je lui mets une petite claque sur les fesses. Bah, je ne le fais pas parce que je comprends en fait, que ça le surprend et que sa réaction, c'est une réaction de défense. Et donc, ouais, je pense que, en tout cas, chaque cavalier à son niveau peut agir par rapport à ça. C'est une belle explication de se dire que si on comprend un petit peu mieux le cheval, ça peut aider bêtement au quotidien. En fait, c'est des mini-actions, pas besoin d'être hyper... scientifique ou hyper expert pour rendre l'équitation un peu plus accessible. Est-ce que tu as un cheval dans ta vie ? Oui, j'en ai plusieurs. Ah oui ? J'en ai plusieurs. Bon, après, si on demande à ma fille, qui a 5 ans, elle dira bah non, maman, ils sont à moi. Mais oui, c'est normal. mais oui. Aujourd'hui, j'ai mon vieux cheval qui a 19 ans, mais qui est toujours en pleine forme et qui fait un peu nounou pour tout le monde aujourd'hui. J'ai deux poneys, donc Domino, un petit Shetland avec lequel ma fille apprend à monter, et puis Punsy qui était pour ma fille mais un peu vif, et donc aujourd'hui il fait de l'attelage et il est plutôt doué, il aime bien ça. Donc c'est moi, j'ai changé, en tout cas j'ai ajouté une discipline à mon arc, et aujourd'hui je fais aussi de l'attelage depuis pas très longtemps, donc je suis loin d'être douée, mais en tout cas je m'amuse et c'est le principal. Et après j'ai une autre jument, Ganda, qui est plutôt très verte dans le travail, mais qui a des jolis moyens pour faire du dressage, donc on travaille avec un objectif peut-être de faire quelques concours l'année prochaine. Donc c'est avec elle que à 7h02 tu étais dans le sable, du coup. C'est ça, tout à fait. D'accord. Tout à fait, mais bon, je l'en veux pas, ça arrive à tout le monde, voilà. Et je l'en veux pas, donc tout va bien. Et ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai un peu de courbature, on se rend compte qu'on a plus 20 ans, mais en tout cas c'est mais pas tu grave. Étais bien protégée, tu avais un équipement au top. Tout à fait, j'étais au top, et donc je ne souffre pas trop du tout. C'est une bonne chose. Du coup, l'équitation, c'est quelque chose que tu fais en famille ? En tout cas, oui, avec ma fille. Et bon, mon mari, ce week-end, il a fait une balade avec nous. Donc, en tout cas, voilà, c'est pas son sport passion, mais oui, tout à fait. Et tu as démarré l'équitation à quel âge ? Donc, les premières fois où j'ai monté à poney, j'avais 3-4 ans. Mais c'était chez une copine sur le poney qui était dans le grand jardin de ses parents. Et en fait, et ça, pour le coup, ma mère n'a jamais pardonné ma tante, qui m'a offert un cours d'équitation pour mon anniversaire de mes 7 ans. Et ça a été le début de la fin. C'était le début de la fin, en tout cas, du point de vue de ma mère. Moi, je trouve que c'était le plus beau cadeau qu'elle aurait pu m'offrir, et j'en suis ravie. Donc, ouais, j'ai démarré dans un centre équestre à l'âge de 7 ans. Et aujourd'hui, tu as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et toujours cavalière depuis tes 7 ans, du coup. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, en passant par plein de disciplines différentes. Le petite anecdote, en fait, c'est que j'ai eu mon premier cheval à moi quand j'avais 28 ans. Donc, il a fallu être patient. Mais entre deux, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont confié des poneys et des chevaux, donc j'étais jamais sans monture. Mais en tout cas, ça m'a appris aussi à comprendre l'investissement, la responsabilité que c'est d'avoir un cheval. Et même, je suis très contente d'avoir les poneys et les chevaux aujourd'hui. C'est beaucoup, beaucoup de travail matin surtout, et soir. Ouais. J'en ai quatre en plus. Ouais, alors, c'est bon, ça, tout à fait. Ça complexifie un peu le truc. C'est un peu de travail. Mmh. Voilà. Mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Oui, bah j'aimerais bien ne pas compter mes chevaux, c'est vrai. J'aimerais beaucoup. Mais tu as des journées de combien d'heures, Johanna? Ça serait mentir de dire que les journées sont pas longues, mais en fait, je pense que j'ai énormément de chance de faire un métier que j'aime, d'avoir une passion que j'aime et d'avoir une famille qui sont plutôt compréhensibles. Et puis une fille qui adore ça. Donc, finalement, techniquement parlant, les journées sont longues, mais je n'ai pas vraiment l'impression parce que je vis tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et j'ai aussi une petite astuce, c'est que moi, mes chevaux vivent dehors. Donc, ils vivent dehors, ils ont des abris, ils sont nourris, selon moi, ils vont très bien. Mais ce qui me permet aussi de ne pas avoir la pression de me dire il faut absolument que j'aille monter aujourd'hui parce qu'il n'est pas sorti de la journée. Et en tout cas, selon moi, ça fait pour mes chevaux, ça leur convient bien puisqu'ils sont dehors, ils marchent, ils sont détendus. Et puis, comme ça, si je ne suis pas là un ou deux jours, évidemment. Ils ont une vie de cheval, malgré voilà, tout. Voilà, il y a des personnes qui s'en occupent, mais en tout cas, ils vivent bien ça. Et c'est plutôt une recette que j'ai trouvée qui marche bien. Et ton prochain concours, quand est-ce que ce serait? Donc, c'est ce week-end. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je m'attaque au championnat de France de jeunes chevaux d'attelage. Ah oui. Ce week-end à Compiègne. Voilà. Donc, ça va être une toute première. On ne se met pas de pression. On y va plutôt pour l'expérience. Ça va être rigolo. Ça va être le premier concours de l'année où je fais un week-end sur place parce que généralement, les jeunes chevaux, c'est tôt le matin. Donc, on se lève tôt. Mais à midi, c'est fini et on rentre. Donc là, c'est samedi, dimanche. Au Grand Parquet à Compiègne, donc un super cadre et j'espère juste que le temps va se tenir et ça va être génial quels que soient les résultats. Ben, je te souhaite bonne chance, plein de réussite. Merci. Puisqu'on s'approche de la fin de l'interview, un conseil matériel ou équestre aux cavaliers qui nous écoutent? Je pense que le conseil que j'ai envie de donner, j'espère qu'en tout cas certains pourraient faire le parallèle entre l'équitation et la vie en général, c'est que l'équitation c'est un sport où il y a un vrai équilibre à trouver entre la remise en question permanente, la progression permanente, parce que finalement c'est un génial comme sport, on progresse toute sa vie finalement, ou on peut si on en a envie. Et en même temps, il y a besoin d'un certain confiance en soi. Parce que si on se doute de soi à chaque fois, le cheval aussi, il se doute de nous. Et je trouve que cet équilibre, ce n'est pas toujours simple. Donc, c'est bien de se faire entourer, soit d'autres cavaliers, peut-être avec un niveau un peu mieux, mais très important. Se faire entourer. Tout à fait. Et est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose, quelque chose? Le mot de la fin, je te le laisse avant de quitter le podcast. Déjà, te remercier pour cette sollicitation. J'ai passé Merci. Un super moment. Et puis, j'espère qu'il y a beaucoup de cavaliers, en fait, qui vivent l'équitation comme une passion et qui profitent pleinement de la relation et la complicité qu'ils peuvent avoir avec leur cheval, parce que je pense que c'est ça que je retiens le plus de cette belle passion, ce sport qui est l'équitation. Si je te dis, là, lien cavalier-cheval et que je te demande un mot, le premier qui te vient à l'esprit, ce serait lequel ? Complicité. Et c'est sur ce très beau mot qu'on va mettre fin au podcast. Merci beaucoup Johanna pour ton temps. Merci. Pour ceux qui veulent la fin de l'histoire, Johanna s'est très bien débrouillée avec Pouncy puisqu'ils ont fini 10e à la finale de leur concours d'attelage jeunes chevaux. Et Pouncy a même eu une mention excellence pour son comportement exemplaire. C'est top, bravo à eux. C'est la fin de notre épisode « C'est pas sorcier de rendre l'équitation accessible ». J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris quelque chose sur un aspect de l'univers équestre autour du lien cavalier-cheval. Pour être au courant des nouveaux épisodes, abonnez-vous au podcast « C'est pas sorcier » ou à la chaîne YouTube « J'entraîne mon cheval ». À la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai décidé finalement de diffuser le podcast sur YouTube également. Parlez du podcast autour de vous si l'idée vous plaît et notez-le Si vous êtes ravi d'explorer le lien cavalier-cheval, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes et laissez-moi des feedbacks. Ça m'aidera à progresser. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à rencontrer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt !